Rachel De Caro, La Bergeronnette, collection Petite Plume, texte atramenta.net, lecture par Christiane Jehan pour audiocité.net. La Bergeronnette. Des rentrées, j'en ai connu, mais je n'en garde aucun souvenir. Sans doute que les premières se sont déroulées sous le signe de la timidité, avec comme consigne personnelle de passer inaperçu. En rang derrière les autres, caché derrière le pupitre au milieu de la classe, surtout ne pas lever le doigt. J'aurais oublié la question au moment d'y répondre. Même pour les devoirs et les leçons, tâchez de rester dans la moyenne des élèves. J'ai bien quelques anecdotes de mon parcours scolaire qui seront racontées en leur temps, mais dès rentrée, je n'ai rien à en dire. Je peux cependant raconter que mon entrée en classe préparatoire, la première année de primaire, n'a pas été la même que celle des autres enfants. En effet, ce n'est pas à l'école que j'ai appris à lire. Pas d'apprentissage à l'avance, non, mais dès les premières semaines de classe, j'ai subi l'assaut d'une jaunisse. 3 mois d'absence sur les bancs de l'école, au moment où tout le monde se met à apprendre à lire, ça ne pardonnait pas. Heureusement, j'ai eu une institutrice à domicile, la plus aimante et patiente aussi sans doute. Ma maman, qui a repris son métier juste pour moi. Ainsi, grâce à elle et avec le livre confié par l'école, j'ai pu apprendre à lire avec Malou, Perlin et Pimpin, et puis aussi d'autres livres que ma mère avait gardés. Je faisais aussi les devoirs donnés en classe, puisque ma mère allait à l'école pour les prendre et les ramener. J'avais sans doute de bons résultats et je n'étais pas sans savoir que les bons élèves recevaient des bons points. Ces petits tickets roses, si précieux, qui étaient échangés contre une belle image lorsqu'ils atteignaient le nombre de 10. Hélas, en quarantaine, chez moi, point de bons points. Je m'en désolais, mais même mon travail de lecture, et d'écriture aussi sans doute, je n'en ai pas le souvenir, n'était pas récompensé. Ma mère m'encourageait et me promettait que je me rattraperais à mon retour en classe. C'est donc sur ce vague espoir que je pus enfin réintégrer ma place dans l'école. Quelle ne fut pas alors ma surprise d'être accueillie par cette institutrice dont je garde le souvenir d'une personne grande et mince, au regard bienveillant, qui me récompensa dès mon arrivée par une de ces fameuses belles images. Alors que je n'avais pas reçu de bons points, mais que j'avais quand même appris à lire. Elle représentait une bergeronnette. Je la revois encore, mais seulement dans mon souvenir. Ici se termine La Bergeronnette de Rachel De Caro. Illustration musicale Candy Shop de Pascal Krieg du site musiclibre-cc.fr, tout droit réservé.